Et nous passons à notre séquence principale de l'émission de ce jour, parce que ce sera la plus longue et que nous aurons le plaisir de recevoir Robert Darnton avec vous. Valérie Hanin, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et donc le mensuel L'Histoire, qui est notre partenaire pour cette séquence, qui se titre, avec un peu d'enflure pourrait-on dire, La Fabrique Mondiale de l'Histoire ou La Fabrique de l'Histoire Mondiale. Nous changeons régulièrement le titre de cette séquence. Enfin, en tout cas, elle a pour prétention de raconter, depuis plusieurs années maintenant avec vous et avec le mensuel L'Histoire, la mondialisation de l'histoire en cours. Et quel meilleur auteur pour nous parler de cela que Robert Darnton, dont on a appris en préparant cette émission qu'il était en train d'apprendre une langue supplémentaire à toutes les langues qu'il parle, à savoir l'espagnol, pour pouvoir mieux comprendre les sources. Présentez-nous le travail de Robert Darnton, Valériane. Eh bien écoutez, en effet, nous avons le plaisir de recevoir Robert Darnton en pleine querelle de l'histoire mondiale de la France. Ce qui peut paraître paradoxal, mais finalement, pas tant que cela. Puisque au cœur de notre campagne électorale, un méchant procès est fait aux historiens, à certains historiens, celui de flétrir les heures glorieuses de la nation au moment même où le pays douloureux aurait besoin de se retrouver autour d'un trésor, de son trésor, le récit national consolidé et fortifié. La querelle s'est d'ailleurs envenimée à l'occasion de la publication et du succès immédiat en janvier dernier d'une histoire mondiale de la France que vous connaissez bien, Robert Darnton. Nous allons le dire, dirigé par Patrick Boucheron, une histoire mondialisée, justement, Emmanuel, connectée, ouverte, décalée, émiettée, et qui a été accusée par Alain Finkielkraut de priver la France de son rayonnement, de son génie propre, pour mieux le dissoudre, sic, dans le grand bain de la mobilité, de la mixité et du métissage. Métécophilique, a ajouté Stéphane Courtois, culpabilisante et honteuse, accuse à son tour Patrice Guénifet. De façon plus nuancée tout de même, dans l'Obs, Pierre Nora reproche au livre de noyer la spécificité française. Alors dans notre séquence, Emmanuel, vous l'avez rappelé, nous ne pouvions pas échapper à cette querelle, mais nous avons voulu la prendre autrement, grâce à vous Robert Darnton, et notamment parce que vous avez participé à Sciences Po en janvier dernier, nous y étions, à un débat autour de ce livre. Et on peut lire d'ailleurs votre intervention dans la dernière livraison de la revue numérique de Sciences Po, Histoire ad politique. Et vous en avez repris en partie les termes dans le bel article que vous consacrez à l'histoire mondiale de la France dans la New York Review of Books la semaine dernière. Alors pour désembourber un peu cette querelle bien mal partie, je voudrais lire quelques lignes de votre conclusion qui nous fait du bien. La lecture de ce livre, vous parlez de l'histoire mondiale de la France, la lecture de ce livre donne du courage. Elle fait voir une France cosmopolite, ouverte aux courants culturels internationaux et fidèle à ses principes. Ses récits encyclopédiques apportent une bouffée d'air frais à la discussion de sujets familiers. Alors Robert Darnton, vous êtes bien placé pour juger de tout cela, car Emmanuel l'a rappelé, vous êtes un des plus grands historiens de la France des Lumières, ou des Lumières, justement, on va en parler. Une histoire que depuis 35 ans en France, vous avez puissamment, avec Roger Chartier, Daniel Roche, François Furet et quelques autres, contribué à beaucoup renouveler. Hein, vous avez, faut-il rappeler, votre maître livre, La Grande Aventure de l'Encyclopédie. Mais depuis 35 ans, il y en a eu beaucoup d'autres, vous l'avez dit Emmanuel, sur les libelles, la calomnie, la censure, etc. Alors vous nous avez peu à peu accoutumé à voir les Lumières et la France des Lumières autrement. Est-ce que c'est la dévaloriser? Peut-être pas, nous allons y revenir. Je voudrais vous poser comme première question, Robert Darnton, une question peut-être un peu incongrue. Lorsque jeune étudiant à Harvard, et puis vous nous l'avez dit à Oxford, vous avez choisi votre sujet, est-ce que vous avez choisi un sujet d'histoire de France? Est-ce que vous vous considérez comme un historien de la France, Robert Darnton? Ah, ça serait un beau titre, mais je n'ose pas me présenter comme historien de la France. Ce n'était jamais ma spécialité. Les gens me pose la question très souvent, vous, Américains, pourquoi vous vous intéressez à la France? Je trouve que la France est intéressante, mais je n'ai jamais eu l'ambition de maîtriser cette histoire si compliquée. Ce qui m'a attiré vers l'histoire française, ce sont des problèmes. Et les Français parlent de histoire-problème. Quels sont les problèmes? Eh bien, la fabrication du livre, la diffusion des idées, la formation de l'opinion publique, la lecture, c'est fascinant. Et bon, j'aime la France, j'ai beaucoup d'amis français, mais ce qui me touche en France, c'est l'importance des archives. Vous avez des archives, mais belles, magnifiques, et je m'y plonge avec délice. Donc, je pense que grâce aux richesses des archives françaises, on arrive à cerner ces questions qui paraissent, comment dirais-je, difficile, abstraite, etc. Mais si on consulte, par exemple, les archives de la Bastille, on trouve des rapports de la police sur l'opinion publique, sur les bruits dans les cafés, sur toutes sortes de manifestations, par exemple, les entretiens autour de l'arbre de Cracovie dans le Palais Royal. C'était un vrai arbre et les gens s'y réunissaient pour parler des faits, parfois des fausses nouvelles, parfois des nouvelles exactes, mais c'était un bruit partout et on peut suivre les bruits de cette époque-là grâce aux archives. Ça, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, vous êtes attaché et beaucoup des historiens de votre génération qui ont renouvelé l'étude de la période des Lumières à ce qui, a priori, était le plus difficile, ce qui circule de façon souterraine, sous le manteau, les libelles, les bruits, comme vous le disiez, les chansons libertines, par exemple. Et cela, on peut le trouver dans les archives, Robert Nanton. Vous dites, on peut faire cet effort-là, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de dire que l'historien peut repousser des limites que l'on croit infranchissables, pourrait-on dire, les limites, justement, de ce que disent les archives. Si on les interroge différemment, eh bien, on trouve non pas ce que l'on cherche, mais on trouve quelque chose de nouveau, Robert Nanton. Oui, et il y a des surprises. Puisqu'on ouvre un carton des archives de la Bastille et on cherche peut-être les traces d'un écrivain, ce qui était mon cas, et on tombe sur un dossier qui vous surprend. Dans un moment, je suis tombé sur un dossier qui s'appelait l'affaire des 14. Que vous avez raconté, c'est extraordinaire. Rappelez à nos auditeurs. Bon, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais donc, qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre le dossier et j'y trouve une enquête policière étonnante qui a commencé par un message de Versailles. Trouvez-moi l'auteur du poème qui commence par « Monstre dans la noire furie ». C'est tout ce qu'ils savaient, les flics de cette époque-là. Mais ils avaient à peu près, dit-on, 3000 espions qui bourdonnaient dans les cafés, etc. Les mouches. Des mouches. Des mouches, des mouchards, c'était des gens qui faisaient métier de remonter l'information vers la cour. Oui, exactement. Alors, finalement, une mouche écrit au lieutenant général de police, j'ai trouvé le poème, je connais la personne qui l'a écrit, etc. Et on peut suivre la diffusion de ce poème avec bien d'autres poèmes grâce à une enquête policière qui est une sorte de sociologie avant la lettre. Et tout cela était la diffusion orale. Puisque pour l'historien, n'est-ce pas, l'oralité, tout ce qui, les messages par bouche à oreille nous échappent, ça disparaît dans l'air. Pourtant, dans ce cas-là, je pouvais suivre exactement la diffusion orale de nouvelles. Valériane. Oui, comme le dit Emmanuel, vous cherchez, vous trouvez dans les archives des choses qu'on n'imagine pas pouvoir y trouver. Et ça, c'est évidemment le métier de l'historien. notamment la France des Lumières, on a tendance à l'héroïser. C'est une époque dont on est très fier en France. Le français était la langue des élites, elle dominait la vie internationale du point de vue intellectuel et politique. Mais vous nous montrez aussi des Lumières autrement, par exemple en allant chercher des archives. Vous nous montrez que les Lumières, ce ne sont pas seulement les grands auteurs qui circulent, c'est aussi toutes ces éditions pirates. Alors c'est quoi ces éditions pirates qui passent les frontières et où les avez-vous trouvées? Eh bien, sans vous choquer, je dirais que la plupart des livres vendus en France à la veille de la Révolution étaient des contrefaçons, c'est-à-dire des livres piratés. Et grâce aux archives que j'ai travaillé depuis 1965 à Neuchâtel en Suisse, je connais les pirates. Et on utilisait le mot à l'époque pirate, corsaire, brigand, etc. C'est sans naturellement les éditeurs parisiens qui traitaient les Suisses de cette façon. Mais en fait, les Suisses, d'abord, le copyright n'existait pas, le droit d'auteur non plus. Il y avait le privilège royal. Mais ça, c'était limité à la France et c'était très loin conceptuellement de l'idée de copyright. Alors, les Suisses réimprimaient tous les livres qui se vendaient bien. Ils ne payaient pas les droits d'auteur, bien sûr. Le papier coûtait moins cher. Je pourrais continuer dans les détails de la fabrication du livre. Mais ce qui est certain, c'est que les livres piratés se vendaient comme des petits pains. Et donc, j'ai beaucoup étudié les lettres des libraires français qui commandaient des livres de la Suisse. Et d'ailleurs, je peux donc dresser une liste des best-sellers dans la France du XVIIIe siècle. Et là, il y a des surprises. Par exemple? Eh bien, je dis numéro un, oui. Mais il faut pas exagérer. Mais même aujourd'hui, les listes des best-sellers sont un peu douteuses. Alors, j'estime que mes chiffres sont solides. Ça va paraître dans un livre qui n'est pas encore publié. Best-seller numéro un. Anecdote sur Madame la Comtesse du Barry. C'est un livre étonnant, drôle, méchant, qui raconte l'histoire de France, mais vu à travers les conspirations dans les couloirs de Versailles et dans le lit du roi. Oui, ce qui est très étonnant, effectivement, c'est que vous êtes attaché à ces rumeurs, à ces fausses nouvelles dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes venu récemment en parler chez Jean-Noël Jeannet ou à Concordance des Temps. On peut écouter ou réécouter l'émission sur le site de France Culture. Et cette question des fausses nouvelles, quand vous l'abordez, vous dites qu'il ne faut pas la négliger. Tout votre travail, c'est de considérer que ces sources qui vous révèle cette circulation des fausses nouvelles dans l'Europe des Lumières, vous montre qu'effectivement, les puissants avaient compris le danger qu'il y avait à laisser circuler ces fausses nouvelles. C'est pour cela d'ailleurs que vous trouvez dans les archives la façon dont ils ont tenté de les contenir. Mais ils ont compris aussi cela et cela a eu l'influence, énormément d'influence sur ces puissants parce que, au bout du compte, cela a sapé de façon très, très déterminée, les régimes, et en particulier le régime royal en France avant la Révolution française, oui. Robert Danton. Est-ce que vous connaissez ce mot de Chamfort ? La France est une monarchie absolue tempérée par les chansons. Et effectivement, dans le cadre de l'affaire des 14, tout le monde était d'accord. Le ministre le plus puissant est tombé en 1749. Pourquoi ? À cause des chansons. Et ces chansons-là étaient chantées partout. Je vois un Paris baigné dans les chansons, les chanteurs dans toutes les rues inventaient des strophes sur des airs connus. Et c'était comme un journal chanté. Puisque le vrai journalisme n'existait pas à cette époque-là, mais les nouvelles se répandaient grâce aux chansons. Et effectivement, le ministre Maurepas est tombé à cause d'une chanson en particulier. Je n'ose pas la chanter, mais si vous voulez... Non, pas. Nous demanderions à Hélène Delaveau, qui vous accompagne souvent dans vos conférences chantées. C'est absolument merveilleux. On peut peut-être voir ça sur Internet, non? Oui, donc j'ai fait ce livre dans les presses universitaires de Harvard, après chez Gallimard, accompagné d'un site web. Et donc, on peut écouter à ces chansons chantées par Hélène Delaveau d'après les airs d'époque. Donc, c'est comme si on pouvait entendre le passé. Je conseille fortement à tous nos auditeurs d'écouter cette merveille-là qui montre que vous avez beaucoup de cordes à votre arc, car vous parlez d'Internet, vous avez été le président de la bibliothèque de Harvard et vous avez beaucoup réfléchi, évidemment, et travaillé à la diffusion du savoir. Alors au fond, c'est pas le hasard, sans doute, quand on travaille sur l'encyclopédie et le grand rêve encyclopédiste des Lumières, de réfléchir et de contribuer à la diffusion de l'information aujourd'hui. Alors nous croyons souvent que nous sommes la première société de l'information ou la première société de l'information piratée. On en est loin. Comment comparez-vous, Robert Darnton? Est-ce que vous pensez que notre société réalise le grand rêve des Lumières ou qu'elle en est capable ou qu'au contraire... J'aurais peut-être l'air utopique, mais je crois sincèrement qu'on peut réaliser le rêve de Condorcet. Condorcet expliquait que le livre était l'utile qui allait libérer le peuple, que la presse était le véhicule d'une véritable libération qui mènerait à la démocratie. Mais à cette époque-là, moins que la moitié des Français savaient lire, et ceux qui savaient lire ne pouvaient pas acheter des livres. Donc la presse, c'est une merveille, la presse a imprimé. Pourtant, le résultat était réduit à une toute petite minorité de gens. Aujourd'hui, nous avons Internet et nous pouvons ouvrir le monde du savoir, de la culture à la population entière et nous allons le faire. Vous suivez évidemment l'actualité française puisque vous êtes, grâce à une invitation de l'Institut d'études avancées de Paris, pour quelques mois avec nous en France, Robert Darnton. Vous voyez aussi, et ça nous intéresse d'avoir votre regard de spécialiste de circulation de l'information, combien les élections qui ont eu lieu aux États-Unis, vous en avez parlé en particulier chez Jean-Noël Jeannet dans Concordance des temps, mais les élections que nous vivons ces temps-ci sont aussi le moment des fausses rumeurs, des fausses nouvelles, de la disqualification de l'adversaire par des moyens qui ne sont peut-être pas des moyens tout à fait anodins. Et cela, vous le voyez un peu en regard avec ce que vous connaissez sur le XVIIIe siècle français, Robert Darnton. Tout à fait. J'étais surpris de l'importance des affaires, comme on dit. On parle de la costume d'un certain candidat, combien cela a coûté, etc. Ce n'est pas très loin des anecdotes sur Madame la Comtesse du Barry, où on parlait aussi de ses toilettes, de sa toilette, etc. Donc, c'est l'idée de... comment dirais-je, de faire passer un message en racontant des petits détails qui semblent être sans importance, mais qui saisissent l'attention du public. Et ça marche. Ça marche. En partie. Ça a toujours marché, avec des hauts et des bas. Mais pendant une période de crise, une période de doute. Difficulté, de doute, de scepticisme, les anecdotes sont... comment dirais-je, ont le potentiel de cristalliser l'opinion publique. Oui, mais la différence peut-être avec le XVIIIe siècle, Robert Darnton, c'est qu'il existe auprès de chacun des candidats des agences de communication, des communicants qui tentent, eux et elles, de contrôler les images de leurs candidats ou de leurs candidates. On a vu, par exemple, combien pendant cette campagne électorale en France, ce qui est nouveau, toutes les images des meetings des grands candidats ont été filmées par les équipes des candidats elles-mêmes qui voulaient contrôler cette image. Mais à tenter de contrôler, il y a toujours des choses qui passent à côté. Oui, exactement. Mais ce n'est pas tout à fait neuf non plus. Nous avons parlé des élections à Montpellier. Eh bien, pour citer une date d'une élection qui m'intéresse beaucoup, 1522, l'élection du pape. Et il y avait toute une campagne publicitaire menée par qui ? Par Aretino, le magnifique Aretin, qui fascinait les gens des Lumières au XVIIIe siècle. Un des best-sellers s'appelait l'Aretin moderne. Mais en 1522, Aretino affichait sur le buste de Pasquino des poèmes. Et ces poèmes manipulaient l'opinion publique lors de l'élection du nouveau pape. Certains poèmes étaient glissés dans la salle où l'élection avait eu lieu. Et vraiment, comme des gens modernes qui essaient de manipuler l'opinion publique. Un extrait de la 40e symphonie de Mozart, interprété par l'Orchestre baroque d'Amsterdam et dirigé par Tom Kopman. Tom Kopman qui dirigera ce soir à la maison de Radio France à 20h l'Orchestre philharmonique de Radio France dans un programme de Rameau, de Mozart, de Beethoven et également donc avec au piano Daria van der Berken. C'est donc ce soir à 20h à la maison de la radio, à l'auditorium. Donc Tom Kopman qui dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France. Nous sommes en compagnie de Robert Darnton et de Valérie Hanin de l'Histoire dans notre chronique, notre séquence mensuelle, La fabrique de l'histoire mondiale. Valérie Hanin. Oui, alors vous nous montrez Robert Darnton, enfin, vous attaquez à un sujet qui est un vrai butoir de l'histoire culturelle. Hein. Que lisait-on ? Que pensait-on ? Comment se fabrique l'opinion ? Ce qui est évidemment très difficile à traquer dans les archives. Alors, vous avez découvert un trésor d'archives qui sont les archives d'un commis voyageur et qui, à partir duquel vous avez préparé et écrit un livre sur le Tour de France littéraire qui sera apparaître chez Gallimard au printemps prochain. Qu'est-ce que c'est que ce commis voyageur qui... J'étais un vrai commis voyageur de la Société typographique de Neuchâtel. Donc encore une les grande Suisses. Maison d'édition qui piratait les livres dont j'ai parlé. Et en 1778, un certain Jean-François Fabergé est monté à cheval et il a passé 5 mois à visiter, à espionner dans toutes les librairies de la France de l'Est, du Midi, jusqu'à Bordeaux, le Val-de-Loire, etc. Il a fait un véritable tour de France en inspectant les librairies. Et comme il connaissait très bien le marché du livre, il parlait de la demande littéraire, des auteurs qui étaient les plus en vue. Il parlait beaucoup des affaires commerciales. C'était tout le monde du livre, mais vu très terre-à-terre. Par le bas, et je m'efforce de lier les rapports. J'ai son carnet de voyage, j'ai tous les frais qu'il a dépensés, etc., et sa correspondance, de lier ces documents au grand dossier des libraires. Il y a 50 000 lettres de libraires dans la bibliothèque municipale de Neuchâtel. Incroyable. C'est étonnant et je les étudie depuis 1965. Donc je remplissais des fiches, je les mettais dans les boîtes à chaussures. Et maintenant, vous avez un ordinateur qui vous aide, j'imagine. C'est un peu tard. il faut relire les fiches. J'arrive, mais je trouve fascinant de connaître le monde du livre à travers l'expérience d'un simple commis voyageur et de connaître les libraires eux-mêmes, leur façon de faire le travail. Leur demande, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent d'une certaine façon. Oui, c'est donc la demande que j'étudie finalement. Je raconte des aventures qui sont drôles de ce commis voyageur, la contrebande des livres par exemple, mais aussi je dresse des statistiques dont je vous ai parlé, les best-sellers, etc. Ça peut se connaître vraiment. Une des questions qui nous taraude depuis que nous faisons cette séquence avec Valérie Hanin de l'Histoire, c'est donc la question de la mondialisation de l'histoire en cours. C'est comme ça que nous avons imaginé cette séquence, puisque nous avons remarqué, en tout cas pour la France, combien les portes et les fenêtres s'ouvraient, combien une génération de jeunes chercheurs, peut-être une génération qu'on pourrait appeler Erasmus, mais en l'étendant à l'ensemble du monde, cette génération avait, par la connaissance des langues, par la découverte d'archives nouvelles très loin de la France, ouvert les portes et les fenêtres de cette histoire. Que pensez-vous de cette mondialisation de l'histoire ? Est-ce que vous pensez que c'est une mode, Robert Danton, que c'est une tendance qui ne va pas s'arrêter ? Et en quoi pensez-vous qu'elle est utile ou pas à la redécouverte du passé tel que le pratiquent les historiennes et les historiens aujourd'hui ? Eh bien, ce n'est sûrement pas une mode. La mondialisation existe partout dans le monde. Mes étudiants, ce sont citoyens de la République des Lettres qui est partout, qui n'est pas limité ni aux États-Unis, ni à la France. Et en lisant l'histoire mondiale de la France, je me suis aperçu qu'il existe une nouvelle génération d'historiens plein d'élan, plein d'énergie, qui ont des choses à dire et qui ont du talent. Alors, ils sont ouverts, ils lisent les langues étrangères, etc. Lorsque j'ai commencé à fréquenter les archives, les Français ne lisaient pas les livres en anglais, ni en allemand, etc. Ils pensaient Il y en avait certains quand même qui devaient le faire tout de même, mais ils n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la maîtrise des langues étrangères est tout à fait importante et quand je lis les livres de ces nouveaux historiens, je constate qu'ils citent des sources, des publications dans toutes les langues. Ça m'impressionne. Ce n'était pas le cas dans les années 50. Mais qu'est-ce que ça change ? Parce que c'est peut-être bien de constater effectivement qu'il y a des travaux qui sont un peu plus ouverts, qui sont un peu plus ouverts vers le monde qu'auparavant. Mais qu'est-ce que ça change dans la façon de concevoir l'histoire ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon mondiale ou pas de concevoir l'histoire, Robert Danton ? Une façon mondiale, non. C'est impossible puisque chacun a son point de vue. Je veux bien. Et c'est une bonne chose. L'histoire est un débat permanent. Donc, il n'y a pas de ligne finale, n'est-ce pas? Pourtant, ce qui m'a beaucoup impressionné dans l'histoire mondiale de la France, c'est l'ouverture vers d'autres versions. Et dans, d'ailleurs, dans le débat qui entoure ce livre, ce qui m'a surpris, c'est l'idée d'un récit national. Comme si cela devait exister, comme si il y avait une France de toujours, dès le début, depuis nos ancêtres, les Gaulois, etc. Non, ces historiens, ces jeunes historiens d'aujourd'hui ouvrent la France à toutes sortes d'influences qui viennent de partout. Mais ça veut dire que, par exemple, ce concept ou cette idée de récit national, vous ne la trouvez pas dans les autres pays que vous fréquentez, Robert Danton, aux États-Unis, par exemple? Tout à fait, et c'est un débat permanent. Mais je trouve que, par exemple, chez les historiens de l'Amérique, l'esclavage, la guerre civile, etc., c'est au cœur de leur préoccupation. Et c'est difficile, et c'est une chose qui continue à être présent dans l'Amérique d'aujourd'hui. C'est le péché original des États-Unis, l'esclavage et ce qui en a résulté. Donc, il n'y a pas de récit national célébré aux États-Unis comme une chose qui exprime le caractère national, etc. Au contraire, il y a des disputes sur ce péché originel. Valériane. Finalement, vous nous rassurez beaucoup, une fois de plus, en montrant que ce débat ne nous est quand même pas tout à fait réservé, même s'il a une caractéristique en France qui est celle de ce récit national originel de la République, le fameux récit de Lavis autour duquel on se dispute. En tout cas, ce que vous nous dites aussi et qui est évidemment très précieux, c'est que l'information, qu'on ne peut pas contrôler la circulation de l'information, que ça n'est pas nouveau, qu'il ne faut pas forcément être saisi de panique à l'idée que l'information circule, qu'elle passe les frontières. Vous nous racontez que ça passait à dos d'homme à travers le Jura, dans la France et dans l'Europe des Lumières. Cette République des Lettres, elle est forcément internationale. Tout à fait international, et j'insiste beaucoup sur l'importance des petits best-sellers Anecdote chez Madame la Comtesse du Barry, mais je devrais ajouter que Voltaire se vendait très bien, et Rousseau aussi, l'abbé Raynal, l'histoire philosophique, c'était aussi des best-sellers, donc je ne veux pas... Et l'encyclopédie. Et bien sûr, l'encyclopédie. On disait qui était immédiatement copié, alors même que l'édition n'en était pas terminée. On en faisait des sortes de piratages aussi de cette encyclopédie. Oui, tout à fait. C'était un libraire de Lyon, Joseph Duplain, qui piratait l'encyclopédie en la réduisant dans un format in quarto, au lieu d'in-folio, et en baissant le prix. Donc, il voyait un grand public pour l'encyclopédie, et finalement, il a si bien fait ses affaires que le grand libraire Pankouk de Paris a décidé de s'associer dans cette piraterie. C'était fascinant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Voltaire se piratait lui-même. Parce que son éditeur, Gabriel Kramer à Genève, publiait un livre important intitulé « Questions sur l'encyclopédie », mais Voltaire envoyait les feuilles corrigées, augmentées de sa main à cette maison de pirates qui était la société typographique de Neuchâtel. Donc, il était complice d'une affaire de piraterie. Valérie Hanin, pour conclure. Donc, au fond, tout ça marche très bien ensemble. L'histoire des Lumières, de la France des Lumières, par le bas, par les commis voyageurs, par les pirates, fonctionne très bien aussi avec l'histoire des Lumières par le haut. Et il n'y a pas de contradiction entre une histoire héroïsée et une histoire qui est celle des humbles lecteurs et des éditions clandestines, Robert Danton. Non, je n'y vois pas de contradiction. Au contraire, je vois un paysage énorme, riche, fascinant, et j'estime qu'il faut étudier un acte sur Madame la Comtesse du Barry à côté de l'encyclopédie et des autres œuvres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous nous montrez quand même que l'histoire, c'est une gourmandise, Robert Danton. Ah, elle est délicieuse. Et j'aime aussi déguster, puisqu'on peut déguster dans les archives et revenir la bouche pleine de parfums, de toutes sortes de surprises. C'est la joie de la recherche. Et merci de nous le redire, parce qu'effectivement, parfois, on pourrait croire que s'intéresser à l'histoire, c'est s'intéresser à une chose morte. En l'occurrence, vous nous montrez qu'elle est tout à fait vivante. Merci encore, Robert Danton, d'être venu. Et merci à vous, Valérie Hanin. Je rappelle que vous avez consacré récemment une hors-série de la revue L'Histoire consacrée à la grande querelle de l'histoire de la France, que le numéro en cours des collections est consacré à Luther et au grand schisme de 1517 et que vient de sortir en kiosque un numéro sur... Les croisades. La croisade avec un sous-titre qui fera sûrement un peu de bruit, une colonisation comme les autres avec un point d'interrogation. Merci à vous Valérie Hanin, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous Robert Danton. Un grand sorcier l'autre soir m'a fait voir de notre patrie tout l'avenir dans un miroir. Quelle image désespérante! Je vois Paris et ses et les barbons règnent toujours. Un peuple de nains nous remplace. Nos petits-fils sont si petits qu'avec peine dans cette glace sous leur toit, je les vois blottis. La France est l'ombre des fantômes de la France de mes beaux jours. Ce n'est qu'un tout petit royaume, mais les barbons règnent. Un extrait des Infiniment Petits de Béranger, un texte des années 1830 qui nous montre que le spectre du déclin n'est pas simplement une spécialité du début du XXIe siècle, puisqu'il raconte une France toute petite, donc avec des nains qui la dirigent et des barbons qui règnent toujours. Il parle aussi de cette patrie qui est au cœur de votre chronique. Catherine de Copé, vous venez pour votre chronique mensuelle La Fabrique de l'Autre, qui, je le rappelle, plonge dans l'histoire en analysant un terme qui désigne un autre ou un groupe de personnes. Et cette semaine, vous avez envie justement de vous pencher sur le terme de patriote. Oui, bonjour, bonjour à tous. Et donc, ce mot patriote est revenu sur le devant de la scène récemment, et pas n'importe laquelle, puisque vous l'avez peut-être remarqué, il a été utilisé à quelques minutes d'intervalle dimanche soir dernier par les candidats au second tour de l'élection présidentielle dans leur discours. Emmanuel Macron s'est posé en futur président des patriotes face à la menace nationaliste, je le cite, tandis que Marine Le Pen lançait un appel à tous les patriotes sincères, je la cite également. Le patriote est donc de retour, mais celui qui m'intéresse aujourd'hui a vécu dans les discours du 18e et 19e siècle, époque si féconde pour cette chronique. Évidemment, quand on dit XVIIIe siècle, on pense Révolution française, mais on l'a vu déjà tout à l'heure, la Révolution et les mots qui l'accompagnent ne sont pas nés de nulle part. De fait, c'est avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, que le mot patriote va émerger de façon forte dans le champ politique. Dans l'encyclopédie, le mot renvoyé sous la plume de Jaucourt a un sens moral. Est patriote, je cite, celui qui, dans un gouvernement libre, chérit sa patrie et met son bonheur et sa gloire à la secourir avec zèle. Mais c'est dans un autre sens qu'il va se développer à la faveur de la crise de 1771. touchant les parlements. Pour rappel, sous l'Ancien Régime, les parlements sont des cours qui rendent la justice royale sur tout le territoire. Et au fil du XVIIIe siècle, ils vont de plus en plus s'opposer au pouvoir royal en bloquant certaines de ses décisions. En 1770 et 1771, Louis XV tente une mise au pas des parlements en réduisant leur pouvoir et en exilant les récalcitrants. Évidemment, tout cela est résumé à gros traits. C'est là que s'ouvre une page particulière, puisque certains parlementaires ou anciens parlementaires vont se poser en défenseurs de l'ordre parlementaire en se désignant justement comme patriotes. À cette époque, les patriotes sont donc ces nobles qui s'opposent à l'autoritarisme du régime plus qu'à la forme monarchique elle-même. Ils souhaitent un partage du pouvoir et ils le disent via des ouvrages ou recueils de nouvelles. On en a parlé, qui s'apparente à une forme de journalisme. Ouais, vous voyez, Catherine de Copé, que vous avez à côté de vous un censeur je pèse sévère, mes mots. Mais qui pèse vos mots, puisque évidemment toute cette histoire est très bien connue de Robert Darnton, qui est juste à côté de vous. Ce qui nous amène donc, Catherine, à la période révolutionnaire où le mot patriote va se renouveler encore une fois. Oui, le terme va en effet jouer un rôle essentiel dans la constitution d'une identité révolutionnaire, que ce soit sous la plume d'un Robespierre, d'un Hébert ou d'un Marat. C'est un peu peine perdue, bien sûr, de chercher une pureté de la définition, mais le travail de la langue linguiste Agnès Toikart m'a donné envie de m'arrêter sur les écrits de Marat dans le journal qu'il fonde en septembre 1789, L'Ami du Peuple. Ce journal, que Marat avait d'abord appelé le publiciste parisien, se présente comme le fait d'une société de patriotes, derrière laquelle, en fait, il n'y a que Marat. Alors selon la linguiste, le mot patriote est déjà installé dans le paysage, qu'en est l'ami du peuple. Il est issu de cette opposition noble et parlementaire dont je viens de parler, et il devient synonyme en fait de l'adhésion à une sorte d'esprit nouveau. Son sens est au départ assez flou, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'oppose à aristocrate, qui lui renvoie aux partisans de la noblesse et du maintien de ses privilèges. Agnès Toikart a passé au crible l'ensemble des textes de l'ami du peuple, et il en ressort que le terme patriote est beaucoup plus employé que son antagoniste aristocrate. Marat défend dans ses textes la cause des patriotes, en rattachant cette autodésignation à deux autres termes, patrie, bien sûr, et surtout liberté. Selon Marat, il n'est point de patrie sous le joug du despotisme. L'analyse de texte confirme donc que la vision de la révolution que porte Marat est moins celle de la révolte contre un ordre socio-économique que l'union des différentes classes de la société contre le despote. Donc le patriote serait un révolutionnaire, Catherine ? Alors, le révolutionnaire, oui, mais de fait, le mot révolutionnaire a émergé plus tard, et il faudra attendre la fin 1792 pour que les révolutionnaires eux-mêmes l'utilisent donc pour s'auto-désigner. En fait, l'observation des textes, toujours, nous apprend que l'expression « contre-révolutionnaire » arrive avant le substantif révolutionnaire. C'est donc aussi par la désignation de ses ennemis que l'identité révolutionnaire va se consolider. Et pour terminer, je ferai un saut à la fin du 19e siècle où le mot patriote reprendra du galon, vous le savez, à la faveur du boulangisme puis de l'affaire Dreyfus. Les patriotes de la Ligue des Patriotes, fondée en 1882, puis ceux de la Ligue pour la Patrie, fondée en 1898 par les anti-Dreyfusards dont Maurice Barrès, sont bien différents des patriotes tels que l'entendent Jean Jaurès et Francis de Pressensé, fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. D'un côté, la patrie est désormais nationaliste, indéfectible du concept de race. De l'autre, la patrie reste synonyme d'émancipation et de justice pour tous. De quoi donner du fil à retordre aux futurs historiens de notre monde contemporain. Merci beaucoup, Catherine de Copé. On vous retrouvera le mois prochain pour un nouveau mot, une nouvelle fabrique de l'autre. Un petit mot de commentaire pour conclure, Robert Darnton, sur cette question. Eh bien, il y avait un journal qui s'appelait Le Patriote français. Qui était publié par Jacques-Pierre Brissot, le chef des Girondins, l'ennemi de Marat. Ah oui, ça voulait dire qu'il y avait déjà des utilisations très complexes du terme de patriote, c'est ce que vous voulez. Oui, entre patriotes, il y avait une guerre civile et on disputait le terme. Ouais. Donc, et Marat, qui connaissait Brissot avant la Révolution, il se détestait et l'un se croyait plus patriote que l'autre. Comme quoi, la pureté des définitions, il faut toujours s'en méfier. Merci beaucoup, Robert Darnton, puisque vous êtes à Paris et en France, vous pourrez peut-être écouter avec intérêt la série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire, je l'espère du moins, consacrée la semaine prochaine à la question des Lumières. Nous débuterons lundi avec Mélanie Traversier qui viendra nous parler du journal de Marie-Caroline de Naples, donc qu'elle vient de publier récemment chez Champvallon. Et puis, on parlera tout au long de la semaine justement de cet esprit des Lumières, car il y a un grand nombre d'historiennes et d'historiens qui travaillent autour de l'abbé Grégoire, des abolitionnistes, du concours de Metz. Pierre Birnbaum viendra exactement pour en parler, ainsi que Pierre Cernat. En tout cas, vous serez dans votre milieu, Robert Darnton, et vous êtes toujours, bien évidemment, accueilli avec beaucoup de joie dans la Fabrique de l'Histoire. Et on vous remercie d'y venir régulièrement. Merci à vous, Valérie Hénin. Merci à vous, Pierre Chastan, de votre chronique qui a ouvert cette émission. Je rappelle le petit précis d'histoire à l'usage des politiques. Et merci, Catherine de Copé. Mais vous le savez, l'histoire continue sur France Culture le week-end, en particulier avec Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet. Et demain, je vous engage à écouter l'émission qu'il fait avec Bénédicte Savoie, historienne de l'art devenue professeure au Collège de France. L'art comme butin, capture et restitution. C'est demain à 10h sur l'antenne de France Culture, Concordance des temps avec Jean-Noël Jeannet. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Pierre Faucillon nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation.